Mes mots sonnent, mes mots sont une passerelle pour mes émotions. Ensemble ils forment des phrases énormes, si loin de ce que je pense au fond. Ils me trahissent et me font honte, à la fois m'éclairent et me font de l'ombre. Tout serait plus clair si les mots renvoyaient aux mêmes choses pour tout le monde. Mais on a l'habitude d'y mettre notre vécu dans chacun d'entre eux. Et les mots qui parlent d'amour, c'est souvent eux les plus dangereux. On les connote, on les exagère, on les minimise. On les provoque, on les malmène, on les garde pour nous quand on est timide. On dit l'inverse quand on veut paraître, rien ne s'arrête quand on dit arrête. À force d'être dans la rhétorique, les mots nous font disparaître. On les répète sans les comprendre, sans savoir pourquoi ils chantent différemment quand ils prennent ta voix. Mes mots, mes mots, mes mots, des paroles, toujours des mots. On s'arrange, tourne autour du pot, juste pour des mots. Tes mots blessent. À travers les miens, je veux redonner aux mots leur lettre de noblesse. Je confonds la dureté, la mollesse. Des liens fragiles qui tiennent à peine comme des promesses. À peine comme des promesses. Ces mots me pèsent, ces mots me plaisent. Faut qu'on se taise, mes mots saignent. On a besoin de compresses, des clowns tristes qui prennent le joker. La peinture rouge pour dessiner nos lèvres. Dur de mettre des mots sur nos rêves. Mes mots, mes mots, mes mots. Des paroles, toujours des mots. On s'arrange, tourne autour du pot. Juste pour des mots. Mes mots, mes mots, mes mots. Des paroles, toujours des mots. On s'arrange, tourne autour du pot.